بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن a le plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a tharahum wa ktafa. Amma ba'da fi inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc inshallah on poursuit sur ce dont on s'était arrêté mercredi dernier, après avoir évoqué certains bienfaits et vertus du mois de Ramadan et du jeûne de manière globale. On va prendre aujourd'hui inshallah un petit résumé de la biographie de l'auteur, qui est Saleh Al-Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan. Quant à l'auteur de l'ouvrage, il est bien connu auprès de tous. Il n'est autre que l'éminente montagne de science et dans la fermeté, dans la sunnah et dans le minhaj. L'imam Al-Allama Al-Thabt Wala Nuzakya Allah Subhanahu Wa Ta'ala أحدا نحسبه كذلك والله سبحانه وتعالى حاسبه. Quant à la naissance de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى وسدده على الحق خطاه. Il est né le 1er Rajab 1354 de l'Egir, qui correspond au 28 septembre 1935, c'est-à-dire que Cheikh حفظه الله تعالى va avoir 79 ans. Et il est venu dans un hadith authentique. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. De ce hadith authentique qui est rapporté dans Sunan et authentifié par Cheikh Mokouba et les autres, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il est évoqué dans ce hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il fait partie des meilleurs des gens, les personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la faveur d'allonger leur vie et d'assainir leurs œuvres. Et il fait partie des plus mauvaises personnes, ni l'inverse, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a allongé leur vie et qui font des mauvaises œuvres. Donc à 79 ans, Cheikh Al-Fawzan, avec la fermeté qu'on le connaît dans le minhaj et dans la sunnah, mais dans le fait de propager la science, et qui se donne à fond dans cela. فَنَسْأَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَخْتِمْ لَهُ وَلَنَا بِخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ وَأَنْ يُبَارِكَ فِي عُمُرِهِ وَعِلْمِهِ وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِمَّنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. Quant à نشأة الإمام, il est né ou fait partie de la famille qui s'appelle أهلي Samasiya, qui est dans la ville de Qasim, proche de Medina, de Buraïda. Quant à l'appartenance de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, sa tribu, sa kabila, elle est attribuée à la kabila qui est dit Al-Wadda'in, kabila Al-Dawasir. Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala n'a pas connu longtemps son père, car son père est mort lorsque Cheikh Hafizahullah Ta'ala était petit. Puis après cela, il s'est mis à étudier au sein de sa famille De là, il a appris le Coran, la lecture et kadhalika l'écriture, avec l'imam qui se trouvait dans le masjid de sa ville, ou plutôt de son village. Le dénommé Hamoud ibn Sulayman al-Tallal, qui est considéré comme son premier shir, auprès de qui il a pris les premiers enseignements dans la religion. Quant à son éducation, un shir, il a été diplômé de plusieurs instituts. En 1377, dans l'institut de Gwalayda, il a été diplômé au Kadalika dans le Mahat de Riyad, dans lequel il a beaucoup étudié, dans lequel il est ressorti avec un diplôme dans la faculté de droit, c'est-à-dire, on parle du droit islamique, même en 1381, pour être ensuite Kadalika, se voir octroyer un magistère et un doctorat dans le Fiqh, dans cette même institut de Riyad. Al-Mashir a ses fonctions au sein de la Ummah, elles sont très connues. Il fait partie, hafizahullah ta'ala, des membres des kibar al-ulama, des grands ulama fi Saoudia. Kazalika, il fait partie des membres du majma' al-fiqhi, tamam, de l'assise de jurisprudence ou Amek al-Mukarrama. Kazalika, un membre de la Najna l'Isharaf al-Da'wati fi al-Hajj, c'est-à-dire le comité délégué pour s'occuper des prédicateurs dans le Hajj. Et Kazalika, Ma'rouf Annahu, c'est un membre de la Najna Da'ima, l'Ilbuhuth al-Ilmiya wal-Ifta, et il est imam, Kazalika Khatib, et Mudarris dans la mosquée, tamam, dans laquelle il est, ou dans laquelle il vit, Jami al-Amir Mutahab ibn Abdelaziz al-Saoud. Et Kadalika, Yisharik, Yani Sheikh Bartlafikum, comme c'est le cas à la radio, dans l'émission, le programme Nour al-Darb, un programme qui est planifié afin de répondre aux fatwas qui sont posées. Quant à ces mashaïrs, ils sont très connus, et ils sont nombreux. On va évoquer le plus connu parmi ces mashaïrs. Le premier qui a été évoqué pour cela, Cheikh Abdurrahman Sa'di, ma'rouf, sahib al-tafsir, et le mu'allafat al-kathira, rahimahullah ta'ala. Wa kathalika Cheikh ibn Baz, wa Cheikh Abdullah ibn Humayd, wa Cheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, wa kathalika Abdelaziz al-Afifi, rahmatullahi alayhim. On s'est contenté que d'évoquer les plus connus parmi ces mashaïrs. Donc c'est quelqu'un qui a étudié avec les mashaïrs, et Kadalika, il a profité du Mahad de l'institut qui était à Riyad pour que Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour qu'il devienne ce qui devient cet imam, cette montagne, dans la science et dans la fermeté, dans le minhaj et dans la sunnah, hafizahu Allah ta'ala. Quant à son juhud et ses mu'allafat, à son kathira, un cheikh, il a propagé wallillahi alhamd والمنه ونشكره على ذلك وجزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين. C'est quelqu'un qui s'est vraiment évertué à propager le din, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'héritage, que ce soit dans l'ad'ima, tamam, que ce soit dans le fatawa, que ce soit dans le muhadara. C'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à ce que le din soit propagé. Et alhamdoulilah, il s'est vertu à cela. Et nas Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lahu al-mazid wa an la yuhrimana min fadlihi subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, c'est un abda. Ça, c'était pour faire une petite... Je voulais faire ça la semaine dernière, mais j'ai oublié. Une brève tarjama, une biographie de l'auteur. Car il est bon que lorsqu'on prend un livre, même si jamais l'auteur il est connu auprès de nous, d'approfondir, si jamais on le connaît, et ni approfondir sa connaissance, ou plutôt sa biographie. فندخل إن شاء الله في الكتاب. تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وجوب الصوم رمضان ووقته. المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الفوزان il a commencé son livre par le basmala, le fait de dire بسم الله الرحمن الرحيم, qui n'a pas besoin d'être traduit, qui est connu auprès de vous. Et le sens voulu dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim auprès des gens de la Sunnah ou le Jama'a, comme a dit l'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, c'est le fait que tu prennes aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses que tu souhaites entreprendre. Car al-insan, il n'a pas la possibilité d'entreprendre et kazalika d'achever une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut et l'aide. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient l'ordre. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient l'ordre. Donc le fait de commencer, si jamais on sait cela, que tu ne peux achever et tu ne peux entreprendre une chose que par la volonté d'Allah Azza wa Jal et que par son aide, donc il est bon de commencer les choses qui sont de haute sollicitation par la basmala, c'est le fait de prendre l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Demander l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal sur ce que tu souhaites faire en prononçant son nom le plus grand qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah. الذي إذا سئل به أعطيه وإذا دعي به أجاب. Son nom le plus grand, que lorsque tu lui demandes par ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala te donne, et lorsque tu l'invoques, il exauce ta demande. Comme cela a été authentifié في سنن الترمذي عن بريدة رضي الله تعالى عنه. الحديث authentifié par Sheikh Al-Albani رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطيه. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a certes demandé par Allah Azza wa Jal par son plus grand nom, celui qui, par lequel, lorsque tu l'invoques, tu seras exaucé, et si jamais tu le demandes, il te sera donné. Donc demandez l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal en prononçant son nom le plus grand, yani c'est une cause parmi les causes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette demande, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide afin que tu puisses achever et entreprendre cette chose-là, bi barakatillah subhanahu wa ta'ala, avec la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Tout en espérant pour cela la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa vaste miséricorde, fi dunya wal akhirah, car il est celui qui est caractérisé par la sifat ou l'attribut de la miséricorde, ar-Rahmani ar-Rahim. C'est pour ça qu'il dit bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, yani tout en espérant par cette aide-là, kazalika, et par la bénédiction dont la personne souhaite avoir dans ce qu'il entreprend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le fait de commencer les durus, ou bien si jamais la personne a écrit un ouvrage, ou bien kazalika lorsqu'elle mange, ou bien lorsqu'elle est à khairihi, même c'est une chose qui est vraiment recommandée dans l'islam. Comme on a pu le voir, car Allah subhanahu wa ta'ala t'aide par cela, et il y a une bénédiction de cela, et kazalika, une rahma, une miséricorde. Et le mu'allif, rahimahullah ta'ala, Sheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, a commencé son ouvrage, comme l'a commencé Allah subhanahu wa ta'ala. Il a suivi pour cela le meilleur et le plus noble et le plus illustre des livres, qui est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an Al-Karim. Car il commence par la basmala, كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم parmi ses coutumes et parmi ses sunan, lorsqu'il écrivait, il commençait ses ouvrages et ses lettres lorsqu'il les envoyait aux grands de ce bas monde, al-muluk, il commençait ses al-rasail, ses lettres, par la basmala, بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله الى فلان ابن فلان من عظيم كذا وكذا. Comme cela a été authentifié dans le hadith d'Abu Sufyan fi al-Sahihayn, dans Bukhari wa Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ila Hiraq azim ar-Rum faqala lahu aslim taslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a écrit à Hiraq, qui était le souverain du royaume des Romains, il lui a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ensuite il lui a dit Aslim taslim, embrasse l'islam et tu seras épargné. Donc ceci nous prouve qu'il fait partie de la sunna de commencer les choses qui ont de haute sollicitation, c'est pas seulement dans les risalas, mais la kadalika dans les doros ou bien et autres, de commencer par le basmala, tamam, de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, de demander l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal et la bénédiction, tout en prononçant son nom le plus grand, lequel, lorsque tu demandes une chose, elle te sera donnée, et lorsque tu invoques une chose, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'exaucer. Et dit Cheikh, ou plutôt l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, fi Fath al-Bari, قال استقر عادة المصنفين على ذلك. يعني المصنفون les auteurs, la coutume elle est unanime sur le fait de quoi? Commencer les rasa'il et كذلك les durus tamam par le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc c'est une chose à pas délaisser. Ayyuha al-ikhwa, c'est une sunna et on a dans la sunna tamam un bon exemple à suivre comme le dit Allah azza wa jalla, laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes dans le prophète صلى الله عليه وسلم un bon exemple à suivre pour celui qui لمن كان يرجو الله, pour celui qui espère Allah عز وجل et qui invoque Allah عز وجل abondamment. Donc à pas de laisser cette chose là tout en sachant en plus comme on a évoqué في البداية qu'il y a dans le basmala une aide et tu ne peux accomplir une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعلم أن الأم أبتو dans le hadith, يعني c'est pas un hadith قدسي لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et si jamais la communauté tout entière était réunie pour te faire profiter d'une chose, elle ne pourra te faire profiter de ces choses là que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a décrété. تمام. Donc l'aide allait auprès d'Allah عز وجل par ces choses-là, comme la basmala, tamam. Et tu ne peux atteindre une chose et aboutir à une chose que si jamais tu demandes l'aide après d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même si jamais, pour cela, tu pourrais réunir la terre entière afin que tu acquéris une chose, sache que la terre entière, si jamais la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec toi ou ne le veut pas, tu ne pourras acquérir abedan cette chose-là. Donc, al-istirana, بالله سبحانه وتعالى وقيل للشيخ الإسلام il disait yani, j'ai regardé dans le Coran et j'ai pu voir que la plus noble des invocations était le fait de demander l'aide auprès d'Allah سبحانه وتعالى car si Allah y t'aide tamam, il va te donner la réussite dans tout ce que tu entreprends dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم تمام لطلب العون إلى الله عز وجل وأن لا يحرمنا من فضله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في وجوب الصوم رمضان ووقته. Il nous dit في وجوب, يعني وجوب c'est l'obligation. Et qu'est-ce qu'il voulait par là dans l'obligation? يعني الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il va nous évoquer les causes par lesquelles lorsqu'elles sont regroupées ça aboutira que le muslim ou bien la muslima devra jeûner, le muslim ou la muslima devra jeûner. Donc il va nous évoquer les causes qui feront que lorsqu'elles seront évoquées, ou plutôt regroupées, barakallahu fikum, elles donneront naissance à l'obligation qui incombera à tout musulman et musulman de se décharger. Et là, c'est le cas de siyam, le fait de jeûner. Il nous dit, babun fi wujub as-sawm. As-sawm, Cheikh, il ne nous a pas évoqué le sens linguistique de as-sawm, as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, et on va l'évoquer, inshallah. Tu peux dire as-sawm comme tu peux dire kadhalika as-siyam. Tamam babun fi wujub as-sawm, tu peux dire kadhalika babun fi wujub as-siyam. Ces deux termes là, yani ont un même sens qui est le jeûne, tamam, le jeûne en français. Donc plutôt dans la traduction française. Amma fi al-lughati al-arabiyya, dans le sens linguistique, yani chez les Arabes, c'est un mot qui indique le fait de se retenir sur une chose et kadhalika, ça indique kadhalika la stabilité et qu'une chose elle est stagnante, tamam. في المكان يعني dans l'endroit. ومنه صوم الصائم. تمام؟ pourquoi il a été appelé la chose par laquelle on se rapproche d'Allah عز وجل dans Ramadan, siyam, car la personne retient son âme, تمام, et son être à ne pas faire des choses qui lui sont interdites, تمام, à ne pas faire des choses qui lui sont interdites. كما قالوا امساكوا عن الطعام والشراب وسائر ما منع. C'est le fait qu'ils se retiennent sur sa boisson, son manger, le fait de manger, et tout ce qui lui a été plutôt interdit pendant As-Siyam. Tout ce qui lui a été interdit pendant As-Siyam. ومنه قال سبحانه وتعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ça, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part des récits de Maryam alayha salam. dans lequel il est évoqué sur elle qu'elle a dit, oh Allah lui a dit, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne à Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ce qui est voulu dans le sens du verset, j'ai voué un jeûne à Allah azawajal, yani c'est pas un jeûne comme celui qui est connu, c'est-à-dire de se rapprocher d'Allah azawajal, en descendant la nourriture et la boisson, et tout ce qui est interdit au cours de siyam, tamam. Lakin, c'est le fait de se retenir de parler. Tamam, c'est pour nous montrer que le sens linguistique de siyam, c'est le fait de se retenir sur une chose, tamam, le fait de se retenir dans une chose comme le prouve ce hadith, ou plutôt cette ayah-là, comme le prouve l'ayah qu'on vient vous, que je vous ai récité précédemment. Au cas d'Aleka, comme on a pu dire, c'est le fait qu'une chose reste stable. Tamam. Et c'est pour ça que les Arabes, ils appellent celui qui est debout et qui ne bouge pas, qui reste à sa place, ils l'appellent sa'im. Tamam. C'est pas la personne qui laisse la boisson, lakin, c'est celui qui reste à sa place. Tamam. As-sa'im bima'anash al-qa'im. Celui qui observe l'endroit où il est. Tamam. Ça, c'est parmi les sens linguistiques de siyam dans la langue arabe. Tamam. Donc, c'est le fait de se retenir. Tamam. Amsaka, l'homme se dit sa'ma'an zalika, c'est qu'il s'est retenu, ou bien. Ça peut être le sens qu'a d'Aleka, c'est dit d'une chose qui est stable et stagnante. Hein. Ça, c'est sa ma'na fil lora amma fi shara, c'est-à-dire dans le sens conventionnel dans l'islam. Tamam. Qu'est-ce qui est voulu lorsqu'on dit as-siyam? Comme le dit, il y a plusieurs personnes qui ont ramené des ta'arif, des définitions sur as-siyam. Al-Manawi, rahimahullah ta'ala, nous dit c'est quoi as-sabat ala tamasuk amma min shani shay an yatasarrafa fi. C'est le fait que tu te retiens sur une chose dont, en dehors de ces horaires-là, tu aurais pu, comment s'appelle, le faire. Tu aurais pu le faire, c'est-à-dire que tu retiens ta personne d'avoir une liberté sur ces choses-là, quand même. D'avoir une liberté sur ces choses-là. Tu retiens ta personne à ne pas faire ce que tu veux, quand même. Lakin, Arsal min dhalika, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يدي الصيام في الشرع c'est-à-dire dans l'islam lorsque il évoquait siyam dans l'islam dans le kitab et la sunna qu'est-ce qu'il voulait par là c'est imsak مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص يعني c'est une définition inchallah qui est simple qui dit yani c'est le fait que tu te retiennes d'une manière qui est spécifique sur une chose spécifique dans un moment spécifique à une personne spécifique tamam lakin on dit Cheikh Al Uthaymeen certains des fuqaha, des jurisconsultes, n'ont pas ajouté à cette définition qui est bonne, laquelle il dit manque une chose à cette définition-là, c'est le fait de rajouter que c'est fait, yani pourquoi, les ta'abbud, pour que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Car il dit, yani le fait que tu te retiens sur une chose, yani précise, il a rédigé comme on a pu évoquer, il dit ça peut rentrer dedans, yani les choses qui deviennent coutumières, t'as même, les choses qui deviennent coutumières, qui deviennent yani des adat, t'as même, des choses qui viennent des adat. Il dit afin de faire la différence entre ça et ça, ce qu'il dit, le fait de faire siyam, c'est pas des simples faits et gestes, même. C'est pas des simples faits et gestes. Lakin, c'est une noble ibadah, même. C'est une illustre adoration, même une noble adoration, dans laquelle il se doit d'être ajouté dans la définition qu'a rapporté l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, de rapporter ou d'ajouter le mot ta'abbud, yani imsaku makhsousin, an shay'in makhsousin, في زمن مخصوص من شخص مخصوص على جهة العبادة على جهة التعبد أو تعبدا تمام. C'est le fait de faire ces choses-là pour rechercher l'adoration auprès d'Allah Azza wa Jalla afin de différencier les choses qui sont faites et n'est de manière coutumière تمام. الصيام تمام. Il a été évoqué d'autres noms تمام. الصيام dans الشرع et ils l'ont appelé كذلك يعني الصبر تمام. الصبر comme cela a été authentifié dans le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sawmu shahri sabr wa thalathatu ayyam min kulli shahrin ta'dilu sawma ad-dahr. Le fait de jeûner le mois de la patience et trois jours dans chaque mois, c'est l'équivalent d'un jeûne éternel, c'est-à-dire que c'est comme si jamais tu avais jeûné tout le temps. Ash-shahid, yani ce qui est voulu là, c'est que il a été appelé as-siyam bis-sabr. Lakin Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il nous dit non, c'est plutôt yani, le mois qui a été qualifié de patience, le mois qui a été qualifié de patience et non le siyam. Donc on qualifie le mois de Ramadan comme un mois de patience, car la personne a patience sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, a patience dans l'obéissance au fait de ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, et a patience sur le décret d'Allah Azza wa Jal, dans la fatigue corporelle et akhirée, comme on a pu évoquer, car le siyam regroupe ces trois catégories de sabr. Et parmi kadalika, les noms de siyam, fi shara, il a appelé kadalika ash, siyaha. Siyaha, wa minhu qawlu subhanahu wa ta'ala, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآية qui est dans Sourate At-Tawba, dans laquelle il est évoqué dans ce hadith, il y en a ceux qui se repentent, ceux qui adorent Allah Azza wa Jal fermement, ceux qui louent Allah Azza wa Jal, والسائحون, certaines personnes, ou plutôt hatta certains savants du tafsir, ils ont évoqué comme ma'na de sa'ihun, c'est les touristes, un peu ceux qui vaguent sur la terre. Lakin as-sahih, ce qui évolue ici, as-sa'ihun, c'est qui? الصائمون سكي الصائمون كما في قوله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Il dit Allah سبحانه وتعالى, ou plutôt il est dit dans ce verset, il se peut que si jamais il vous le divorce, c'est-à-dire Nabi sallam, et Allah سبحانه وتعالى va lui remplacer des épouses qui sont meilleures que vous, qui sont muslimates, qui sont mu'minas, qui sont obéissantes, qui se repentent à Allah Azzawajal, qui adorent Allah Azzawajal, qui jeûnent, sa'ihat, sa'ihat, sa'ibatin wa bakara, qui sont vierges et qui ne sont pas vierges de même. Donc, al-shahid dans le verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot sa'ih pour siyam, de même, sa'ih pour siyam, as-sa'im huwa sa'ih. Donc voilà, les autres appellations qui sont trouvées à siyam dans l'islam, de la religion de l'islam. قال رحمه الله تعالى باب في وجوب الصوم رمضان. Comme Ramadan, comme c'est معروف, c'est le 9e mois de l'année hijrie, dans le calendrier de l'hijrie. Et c'est le meilleur mois de l'année car il figure dedans, comme on a pu l'évoquer mercredi dernier, laylatun khayrun min alf shahr, comme قال سبحانه وتعالى في سورة القدر. Et كذلك dans ce mois-là, il a été descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tamam, ce Coran là, il a été descendu sur il a été descendu dans ce mois la meilleure des révélations par la meilleure langue qui est la langue arabe, et ala afdal rusul qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le meilleur des prophètes, wa ala afdal al-umam qui est la umma islamiyya. Donc ce mois là, il a une grande vertu, comme on a pu l'évoquer mercredi dernier. Pourquoi ce mois-là a été appelé Ramadan? Ils ont évoqué certains causes par rapport à cela. Ils disent que parce que Ramadan, ça vient de Yarmoudou Dhunub. Qu'est-ce qu'ils disent dans ce mois-là? Il y en a les péchés, il y en a sont peu. Ils disent ce mois de Ramadan, il expie beaucoup les péchés. Voilà pourquoi il a été appelé Yarmoud. Parce que Yarmoud, c'est le fait de quoi? Yahruq. Le fait de brûler une chose. Comme dans le hadith dans lequel, dans Salat al-Duha, قال النبي صلى الله عليه وسلم, Salat al-Duha, حين ترمد الفصال. La prière de Al-Duha, c'est au moment où il fait vraiment chaud. C'est-à-dire à peu près dans les coups de 11h30, un petit peu avant le zénith. Donc pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Car ils disent qu'il expie les péchés comme il brûle les choses, même. Donc il brûle les péchés. Ils l'ont appelé comme ça. Et d'autres, ils ont dit parce que le jour où il a été appelé, ça a correspondu avec quoi? Ça a correspondu au moment où il faisait chaud. Ça correspondait au moment où il faisait chaud. Ils ont dit donc Ramadan, yani le moment où il faisait chaud. Ala kulli hal, mahma kan, c'est le nom du mois dans lequel il est légiféré de jeûner en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ulama disent qu'il ne faut pas dire Ramadan. Lakin, lorsque tu dis, il est min bab ta'addub, le bon comportement à avoir lorsque tu évoques le Ramadan, tu dois pas dire Ramadan, ils disent certains ulama. Lakin, ça c'est un argument qui est faux. Il dit tu dois dire shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Lakin un hadith, il est une hujja alayhim, c'est un argument contre eux, dans lequel Nabi sallam a dit idha jaa Ramadan futihat abwab al-jannah. Lorsque Ramadan vient, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer se referment. Tamam. Donc Nabi sallam, qui est le meilleur des hommes, qui était la personne qui craignait plus Allah azza wa jal, tamam, il a évoqué Ramadan sans l'annexer à quoi? À shahr Ramadan, à shahr le mois. Donc c'est ce hadith-là qui est mutafakun alayh ou fi sahih. Tamam, il nous prouve clairement qu'il est tout à fait possible de dire Ramadan et il n'y a aucun mal à dire cela. Certains ulama, ils ont pris comme argument pour dire qu'il ne faut pas dire Ramadan, lakin tu dis shahr Ramadan, un hadith qui est da'if. Dans lequel il dit la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismullah. لكن قولوا شهر رمضان في حديث ضعيف وضعفه شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى. Ce hadith a été qualifié de faible par Cheikh Mohammed ibn Hizam حفظه الله تعالى. Dans la chaîne de transmission se trouve un rapporteur dénommé Abi Ma'char Najih ibn Abd al-Rahman, et c'est quelqu'un qui est daif. Donc ils n'ont aucun argument, ou plutôt un argument qui est faible. Donc il n'y a pas de mal à dire Ramadan ou bien Shahr Ramadan. Même les deux sont venus dans le kitab de la sunna. Shahr Ramadan, ça c'est dans le kitab, et kadalika de la sunna. Iza ja'a Ramadan futihat abwa bul jannah. Donc lequel des deux tu dis, ça c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de mal à dire cela. Qala rahimahullahu ta'ala, soum shahr Ramadan ruknun min arkan al-islam. Il nous dit, le fait de jeûner pendant Ramadan, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et cela c'est ma'rouf. Et le dalil qui nous prouve cela, quand même que c'est un pilier, hadith ibn Umar, رضي الله تعالى عنهما في صحيحين متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الإسلام a été l'islam a été fondé sur cinq piliers: l'attestation de foi qui n'est d'autre dignité méritant d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, que le prophète sallam c'est son messager, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et faire le hajj. Faire le hajj, yani fi baytillah subhanahu wa ta'ala al-haram. Al-shahid al-Nabi sallam qala buniya. Tamam, c'est de ce hadith-là qu'ils ont dit que le som, c'est un rukn, c'est un pilier. Un pilier parmi les piliers de l'islam, et non pas, yani que quoi? Que l'islam est restreint à ces choses-là. Tamam, non. يا أبو الإسلام الحمد لله يعني كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام فقال الإسلام أن تسلم أخاك بلسانك وبيدك le fait que tu épargnes ton frère de ta langue et de tes mains. الإسلام له طرق كثيرة تمام il a beaucoup de ibadat. Lakin les choses sur lesquelles se repose l'islam, c'est ces cinq choses là c'est à dire que si jamais ne sont pas observées, la personne n'est pas un musulman. Celui qui n'atteste pas de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et آخره تمام c'est un kafir. Amma yani les autres piliers en dehors de plutôt yani siyam ou le hajj il akhiri, celui qui le délaisse tamam, ça fait pas de lui un kafir, celui qui le délaisse tout le temps il est en la croyance et la conviction que c'est des choses qui lui incombe de faire tamam, c'est pas un kafir. Lakin yani on peut pas dire de lui que c'est un muslim hakikatan, un véritable muslim, c'est un muslim lakin fi da'f tamam, c'est un muslim qui n'a pas dont yani son islam n'est pas complet, son islam n'est pas complet et n'est pas parfait, plutôt dont son islam n'est pas parfait. كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة إنه دي الصيام il fait partie des obligations parmi les obligations de l'islam et qui est connu auprès des gens dont yani personne n'ignore yani son obligation. Est-ce qu'après il y a un farq بين الفرض والواجب؟ Chez certains musulmans, ils ont une divergence. Mais qu'en sahih, c'est que tu peux dire wajib, comme on aurait pu dire ici, wajibun min wajibat al-islam. Tamam. Certains ulama ils disent non, tu peux pas dire wajibun min wajibat al-islam, car c'est le siyam, il a été affirmé par des preuves, comme ils disent, yani qat'iyya, tranchante, yani dans lesquelles personne n'a un doute. Tamam. Et ils disent que le wajib, c'est son inverse. Yani, c'est-à-dire par des preuves dans lesquelles les personnes peuvent délibérer au niveau de l'authenticité. Ils peuvent délibérer au niveau de l'authenticité. Maintenant, le Coran, personne délibère sur l'authenticité du Coran. Personne débat. Amma, certains hadiths, qui ne sont pas dans le Muttafaqun Alayhi, que tu vas trouver dans le Sunan, certaines personnes ils vont peut-être délibérer, vont dire est-ce que les sahih, kaza il akhiri. C'est ça qui est voulu par quoi ? La dilla dhunniya. Ils disent que toutes les preuves ou toutes les choses, tous les jugements dans l'islam qui ont été affirmés par des preuves dans lesquels on peut délibérer, ça s'appelle on appelle ça un wajib si jamais il y a une obligation dedans. On appelle ça un wajib. Il dit, et tous les jugements dans lesquels ils ont été affirmés par des choses qui sont, par des preuves dans lesquelles on ne peut délibérer, comme c'est le cas du Coran, comme c'est le cas du Bukhari wa Muslim, ils disent que ça c'est des adillah qat'iyya. Lakin, il n'y a pas de farq baynahuma, comme qu'a dit Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi al-usul min ilm al-usul. Qal ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire que ces choses-là, comme on dit les ulama, celui qui les renie, celui qui les rejette, qui n'a pas la conviction de l'obligation de ces choses-là, tamam, ça fait devient quelqu'un qui sort de l'islam. Ça devient un kafir bijmi' al-muslimin. Et comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Hizam, il dit, remarque comme ça a été dit, il dit par l'unanimité des musulmans. Il n'a pas dit par l'unanimité des ulama, parce que c'est une chose qui est vraiment connue. Hatta yani shal jahil. Tu lui dis, as-siyam, c'est quoi son hukm? Tamam, il va dire, c'est une chose qui est obligatoire. Même si, peut-être, yani, il n'observe pas, il ne se décharge pas de cette obligation-là, il va dire, c'est une obligation. Amma, celui qui dit que ce n'est pas obligé, tamam, de prier, de jeûner, Tamam, ou c'est pauvre, la salat à ma compa, de la zakat à ma compa, toutes ces choses-là qui sont ma'rouf, tamam, le kadib ça ma compa, azina ça ma compa, et la khiri, ça, c'est quelqu'un, yani, si jamais il a cette conviction-là, il le dit, il sort de l'islam, car c'est des choses qui sont connues auprès de tout le monde dans le din, tamam. قال رحمه الله تعالى ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع يدل على فرضية الصيام يعني ce qui nous prouve que الصيام c'est une obligation تمام il dit le kitab la sunna et l'ijma قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومعنى كتب فرد وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم الأمر للوجوب. Dans ces deux versets-là, Al-Sheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il les a pris comme preuve pour nous prouver que le siyam, il a été affirmé par le Coran qu'il est obligatoire. Le premier des dalils, c'est « Ya yuhallazina amanu, kutiba alaykumu al-siyam ». Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « kutiba », ça c'est ma'ruf dans l'usul, le fait que lorsque l'islam te dit « kutiba » sur une chose, c'est-à-dire qu'il t'a prescrit une chose, et ça devient une obligation. Ça devient une obligation. « Wa kadalika » dans la parole d'Allah azawajal, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Comme on a pu le voir pour ceux qui participent un peu au cours de Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt l'islam ordonne une chose, ça fait de ces choses-là qu'elle est une obligation à partir du moment qu'il n'y a aucune chose qui prouve le contraire, c'est-à-dire qui dérive le jugement de l'obligation vers la recommandation ou autre. Tamam. Donc le fait qu'il dit فَلْيَصُمْ, ça c'est un verbe à la forme impératif, on est al-amr ou al-amr. Fi al-usul wa fi al-din yastalzim al-wujub, yastalzim al-wujub, c'est-à-dire que ça implique une obligation. Et il dit waqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc la preuve parmi la sunna, qala waqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islamu ala khams wa dhakara minha as-sawm ramadan. Donc le hadith qu'on a pu voir auparavant, dans lequel an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit il est établi, ou plutôt l'islam il est fondé sur cinq piliers qui sont, comme on a pu les évoquer, et parmi ceux-là as-siyam, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit sawma ramadan, et le fait qu'il a qualifié ces cinq choses-là comme étant des piliers, c'est-à-dire que si jamais un pilier c'est ma'ruf, si jamais tu l'enlèves, ce qui est édifié au-dessus te tombe sur la tête. Kadhalika, si jamais tu veux édifier ton din sans mettre de fondation, c'est comme si jamais tu voulais édifier une maison sans mettre des piliers et des colonnes, c'est-à-dire que le toit va te tomber dessus. Kadhalika, ona, tu pourras aucunement bâtir ton din si jamais les cinq piliers de l'islam ne sont pas barakallahu fikum observés. قال والأحاديث في دلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة. Il dit l'hadith sur le fait que al-siyam c'est obligatoire et la faveur du siyam, il dit, sont nombreux et ils sont كذا les كبار توفيكم très connus. Comme on a pu évoquer certains de ses mérites et de ses vertus et de ses bienfaits le mercredi dernier. قال وأجمع المسلمون على وجوب صومه ومن أنكره كفر. Il nous dit et les musulmans sont tous unanimes que siyam c'est une obligation, et celui qui prétend le contraire, il a certes mécru, ça devient un murtad, il a apostasé si jamais il était de rentrer dans l'islam. Amma, il nous a évoqué l'obligation, mais il nous a pas évoqué, Cheikh Al-Fawzan, quand est-ce que le jeûne a été, quand est-ce qu'il a été prescrit. Tamam. Comme nous dit Cheikh l'imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, naham, al-siyam, il a été légiféré dans la deuxième année de l'Hijr, après que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la Hijra. قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لأنه فرض في شهر الشعبان في السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتسليم. أفضل صلاة وتسليم دين الإمام النووي. النبي صلى الله عليه وسلم a jeûné 9 ans. تمام. Et on sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort à la 11e année. Donc ça veut dire que si jamais l'année il a jeûné 9 ans et qu'il est mort à la 11e année de l'Hijr, 11 moins 9, ça fait 2. Ça veut dire que ça a été légiféré, comme l'a dit l'imam Nawawi, pendant la deuxième année de l'Hijr, et nous a dit plus précisément dans le mois de Sha'ban, ce qui rajoute une vertu à cet immense mois, car dans ce mois-là, il a été légiféré ce grand pilier qui est le fait de jeûner lillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à la description de Siyam qui avait lieu auparavant, elle était différente à celle qui est légiférée maintenant. Au début de l'islam, il incombait aux musulmans de jeûner Yawm Ashura, yani un jour de l'année dans lequel il incombait de jeûner. كما ثبت ذلك من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت كان قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان حتى فرض رمضان donc elle nous dit عائشة رضي الله تعالى عنها que قريش avait pour habitude dans la jahiliya de jeûner يوم عاشوراء puis le Nabi صلى الله عليه وسلم il a ordonné la communauté de jeûner ce jour-là jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le fait de jeûner Ramadan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من شاء فليصوم ومن شاء أفطر celui qui veut et le jeûne عاشوراء celui qui veut et le délaisse et celui qui veut et le délaisse. Les gens à cette époque-là, lorsque le siyam a été légiféré sur eux, ils avaient le choix de jeûner et de délaisser le jeûne. Mais si jamais ils délaissaient le jeûne, ils devaient donner en compensation, ou plutôt nourrir en compensation de cela. C'est même nourrir un pauvre en compensation de cela. Si jamais, s'ils voulaient jeûner, ils ne jeûnaient pas, lakin, celui qui ne jeûnait pas, il donnait une chose en compensation. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَعَلَى الَّذِينَ يَتَيَقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si seulement vous saviez. Mais si seulement vous saviez, donc ceci nous prouve qu'ils avaient le choix de jeûner et de délaisser le jeûne, mais celui qui délaissait le jeûne, il devait donner, ou plutôt nourrir en compensation de cela, un pauvre. Ensuite, ceci a été aboli jusqu'à... ceci a été aboli à l'obligation de jeûner par la ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Ça c'est un dalil qui nous prouve que quoi? Qu'il a aboli le premier فَمَنْ تَطَعُوا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. Celui qui quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à ceux qui sont présents dans ce mois de jeûner, donc ils n'ont plus le choix comme c'était le cas avant de jeûner ou bien de nourrir un pauvre en compensation de du fait qu'ils n'ont pas jeûné. وجاء كذلك في السنة عن سلمة بن الأكوع في الصحيحين أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, c'est-à-dire de nourrir un pauvre. Tamam, de nourrir un pauvre. Il dit سلمة بن الأكوع lorsque cette aïe est descendue. Tamam. قال كان من يريد أن يفترى ويفدي يعني كان له الأمر. Celui qui voulait jeûner ou bien qui voulait barclofikum nourrir un pauvre en compensation de cela, il était tout à fait libre de faire cela. Lakin qala hatta nazalat al-ayat allati ba'daha fanasakhaha qui est shahr ramadan allati unzila fihi al-quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum shahr falyasum yudi salamat ibn akwa. Ce verset-là il est venu et il a aboli le fait que tu avais la possibilité et le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc maintenant, il incombe à toute personne la ayah, tamam, il n'y a aucun argument, il n'y a aucun, comment ça s'appelle, sabil, l'iman, shahida, shahr ramadan, de notre communauté à cette époque-là, qu'il ait la capacité, ou plutôt la possibilité de jeûner ou de ne pas jeûner. Celui qui est présent pendant ramadan, comme on va le voir, inshallah, avec les causes pour cela, c'est-à-dire qu'il tamam, il est en bonne santé et la khiri, tamam, il a la capacité totale de pouvoir jeûner, il lui incombe de jeûner et autre chose. Il lui incombe de jeûner et il ne lui incombe pas de faire autre chose que cela. Comme j'ai pu vous l'évoquer, le jeûne de ceux qui étaient auparavant il était beaucoup plus dur que celui dans lequel maintenant on jeûne. Car comme cela a été évoqué au début de l'islam, « كان يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين نام من حين أن نام أو صلى العشاء » À partir de quel moment il ne pouvait plus manger, ni boire et ni consommer les rapports, à partir du moment si jamais Mathalan il rentrait dans la nuit et il a dormi avant de faire de couper son jeûne. Tamam. À partir du moment qu'il a dormi, le fait de dormir c'était une cause qui lui empêchait de pouvoir manger après cela. Ou bien si jamais il priait l'Isha, après l'Isha, il n'avait plus le droit de manger, même si jamais il restait encore de la nuit, des heures et des heures. Tamam. Donc deux choses leur empêchaient de pouvoir manger, c'était quoi? Le fait qu'ils dorment après qu'ils pouvaient manger et qu'ils prient l'Isha. Lakin alhamdulillah, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aboli cela et il nous a donné la possibilité de pouvoir manger sahur jusqu'à ce que le deuxième fajr se lève, jusqu'à ce que le deuxième fajr se lève, que tu aies dormi ou que tu n'aies pas dormi. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ثم نزلت يعني أحل لكم ليلة الصيام من رفث من النساء من رفث إلى نسائكم. Salam plutôt, Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu, nous dit dans ce hadith authentifié par l'imam al-Bukhari que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre eux jeûnait et que le moment de manger leur était légiféré, si jamais il avait le malheur de dormir avant cela, tamam, ou bien de dormir, il ne pouvait plus manger et ni boire, et ni consommer kataleka, les rapports charnels avec sa famille, tamam. Lakin, il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ni cela, il y a ni de la nuit, c'est-à-dire que toute la nuit il était privé cela. Ensuite, le jour kadalika, c'est-à-dire la nuit et le jour qui suivaient, il ne pouvait pas parce que la journée tu jeûnes, t'as même. La nuit et le jour privé de nourriture, privé de. Il y a ni comme, c'est connu, t'as même. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé cette umma en faisant descendre ce verset, Uhilla lakum laylat al-siyam mir rafathu ila nisa et kum. On vous a permis, pendant les nuits de siyam, de pouvoir y aller consommer les rapports avec vos femmes. Donc ceci est venu pour abroger et abolir la charge qui ressentait peut-être dans le fait que si jamais l'un d'eux dormait ou bien prit l'Aïcha, il n'avait pas le droit de consommer ni de manger. قال رحمه الله تعالى والحكمة في شرعية الصيام dit parmi les sagesses pourquoi le siyam a été légiféré. قال أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرضية والأخلاق الرضية. Il nous dit dans le siyam il y a une tazkiya, il y a une purification pour nos âmes, tamam, contre barlofikum, les mauvais comportements et les mauvaises coutumes, tamam. Donc dans le siyam, tu as dans le siyam une tazkiya, une chose qui va te purifier. Allah subhanahu wa ta'ala ne recherche pas dans le siyam yani que la personne souffre yani de faim ou bien qu'elle soit assoiffée et la rilla. Yuridullahu bikumu al-yusra. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère une chose, c'est pour nous faciliter et c'est qu'il veut un bien pour nous. Tamam. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas la turpitude. Dites-vous sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne connaissez pas. Tamam. Donc il y a dans ce siyam à rajouter au rajout de la grande récompense que tu vas retrouver yawm al-qiyamah. Tamam. Il y a une purification pour toi de ton nafs. Donc le fait de jeûner, ça aide à la personne qui peut-être trouve des mauvais comportements. Il y a une aide pour lui, une main qui est tendue, tamam, pour que ses mauvais comportements soient purifiés, inshallah. قال لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. Pourquoi? Parce que il dit ça c'est une cause par laquelle le shaitan se verra yani restreindre yani les voies par lesquelles il peut chambouler le serviteur. قال لي أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. Car شيطان يسيركل à travers la descendance de Adam, tamam, par les veines ou plutôt par le sang, tamam. قال فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رهبتها في العبادات والصوم. على عكس من ذلك, il nous dit lorsque la personne boit et mange, tamam, ça va être une cause pour que son esprit va être plus ouvert et son âme va être plus ouverte, t'as même à la passion, t'as même à la débauchée et à ces autres choses-là. Donc, le fait de beaucoup manger et de beaucoup boire, ce n'est pas une cause qui nous aide à yoler khwa, t'as même car il y a dans ces choses-là une cause plutôt qui nous ouvre une porte à ce que nos âmes, déjà qui sont, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafs la ammaratum bissou, t'as même l'être est tentatrice de mal, t'as même, c'est-à-dire que là, tu lui ouvres vraiment les portes à ce que ton âme a dévié, t'as même, ce que ton âme a dévié, et il y a dans la manière excessive de boire et de manger, t'as même une porte qui est ouverte à ce que tu présentes et tu exposes ton âme à la débauche, t'as même à la débauche. قال لأن كذلك يعني يضعف إرادته وقل يقل رغبته في العبادات. Et c'est une chose qui va le faire, qui sera, il aura, comment ça s'appelle, moins de rahba et moins de dévotion, t'as même, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as même. Ça lui ouvre une porte vers le char et en plus ça lui ferme une porte vers le bien, t'as même. Donc consommer de manière excessive, Inch'Allah, c'est une chose qu'il faut limiter. Tamam. Naam, mais ça va lui rendre la paresse. Kazalika. Da'afat iradatuhu. Lakin kama qulna rahbatuhu, il va pas trouver la dévotion dans l'adoration. Parce que lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, il faut que ton cœur tamam kama qala subhanahu wa ta'ala yani yashrah sadrahu lil Islam, il faut que ton cœur soit apaisé. Il faut que ton esprit plutôt et ta poitrine soit ouverte pour cela. Il faut qu'Allah te donne un tawfiq, yani un apaisement dans ce que tu fais, ce que tu recherches dans l'adoration tamam. Donc le fait de consommer de manière excessive tamam, ça va fermer les portes à la dévotion que la personne va trouver et l'aisance qu'il va trouver. Barakallahu fikum dans l'ibadat. Iqal wa sawm ala aks min dhalika. Le sawm c'est l'inverse de cela, c'est-à-dire ça va t'ouvrir la porte vers la dévotion dans l'adoration. Et ça c'est une chose qui est remarquée, tamam, qui est observée pour ceux qui jeûnent. Tamam, il va te dire tout de suite, il va trouver yani un nashat, tamam, et une aide dans siyam pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le verras lorsqu'il va boire et lorsqu'il va commencer à couper son jeûne, tu vas trouver directement une faiblesse et, comme il dit le frère, une paresse et tout ça. Donc ceci, yani, c'est prouvé, tamam, c'est prouvé bi tajruba. Tamam, qala wa fi s-sawm tazhidun fi d-dunya wa shahawatiha. Dans le somme, il y a une chose qui va te faire que tu vas t'écarter des délices de la vie d'ici-bas. Tamam, wa targhibun fi l-akhirah. Il y a une chose qui va te pousser à être dévoué et à empresser le pas vers la vie ou plutôt vers l'au-delà. قال وفيه باعث على العطف على المسكين واحساس بآلامهم. Il nous dit il y a dans le siyam tamam un bienfait qui est que tu vas avoir de la compassion pour le pauvre tamam le miskin et tu vas ressentir ce que le miskin ressent yani jour et nuit tamam quotidiennement dans sa vie avec la pauvreté car lorsque comme il dit لأن يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطف لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنيتي عن شيء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد في به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Il dit que le jeûneur va retrouver dans son siyam yani les douleurs de la faim et la soif, les douleurs de la faim et de la soif comme le miskin les trouve dans sa vie quotidienne, comme le miskin les trouve dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi la porte de la compensation, que la compensation va s'ouvrir entre lui et le miskin, il va être clément envers lui, il va ressentir ce qu'il ressent. Il nous dit il y a un somm fi الشرع هو الامساك بنيتي عن شيء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الامساك عن الرفث والفسوق. Il dit الصيام comme on a pu l'évoquer في الشرع, c'est-à-dire dans l'islam, c'est le fait que tu retiennes ta personne tout en ayant l'attention dans cela, c'est-à-dire que tu le fais pour Allah عز وجل, yani que tu retiennes ta personne à boire tamam et à manger. Et Kadalika, il nous dit, les rapports, et autre chose, parmi les choses qui nous ont été mentionnées et interdites au long du siyam. C'est-à-dire d'avoir de mauvaises paroles dans le siyam. Ce n'est pas le simple fait de délaisser la boisson et de délaisser la nourriture. Le siyam, c'est Kadalika que tu retiennes ta langue de dire des choses qui ne sont pas convenables. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضع القول الزور والعمل به فليس لله سبحانه وتعالى حاجة في أن يصوم. Celui qui ne délaisse pas la parole, les paroles de turpitude et l'akhirahi, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans la nécessité que cette personne-là ajeune, tamam. Donc jeûner, ce n'est pas le simple fait de délaisser la nourriture et la boisson, mais c'est de délaisser kadhalika les mauvaises paroles. Et inshallah, mercredi prochain, on continuera cela, tamam. Car le chapitre à venir, il demande des explications et des annotations. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à ce qu'on a évoqué, tafaddalo, sinon Inch'Allah on se contente de cela. Donc Inch'Allah, je ne vois pas de main levée pour cela, donc on va se contenter de cela. On a Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa an la yaj'al al-ilm hujjata 'alaina bal lana wa sallallahu wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a أثارهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.